belle jeune femme à l'élan de gazelle, au larcin de magazine qu'on appelait cruelle, à l'époque courtoise. Charmante dame en sari de dentelle, vos masques de Venise, vos séductions d'odalisque ont l'air mélancolique des idéaux perdus. Hélas, plus personne n'écrit comme Baudelaire, et l'Orient sans mystère n'est plus le sensuel ornement qui ravissait les esthètes. Il n'y a plus que l'odeur de musc d'une mémoire d'enfance flottant dans les lieux exotiques, devenue étale dans le métro. Triste poésie des villes. Charmante enfant aux studieuses pantomimes qui pâlissait sur la métrique du verre usé, de la rime. Vos multiples incarnations ont lassé l'amant de la muse. Venu trop tard, venu trop jeune. Aimeriez-vous Apollinaire ou bien Théophile Gautier avec autant de désespoir qu'il aima le visage idéal d'une reine égyptienne, d'une momie. Plus dire je t'aime de peur de vous blesser.